boudin. La télé, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour le pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce mardi 25 février 2025. Comme vient de l'indiquer l'indicatif précisément à l'instant, vous avez rendez-vous avec ce programme d'actualité, des mots, des sons sensibles, en forme de sons sensibles essentiellement d'ailleurs. Aujourd'hui, on va se laisser guider tranquillement dans l'actualité locale pour les jours, voire semaines à venir. On va anticiper quelque peu avec quelques événements à venir, dont certains partenaires. Restez à l'affût, à l'écoute. Il y aura même quelques cadeaux sur Dio, avec notamment quelques concerts attendus début mars prochain. Ce sera le seul rendez-vous d'ailleurs direct de cette semaine, autant vous le dire d'emblée. On approche de la fin de ce mois de février, début mars approche à grands pas, un mois sur lequel nous allons être très occupés par des tâches, on va dire, un peu moins réjouissantes que celles que de vous proposer l'actualité politique, sociale et culturelle, mobilisée sur des points davantage administratifs, et puis quelques jours de répit-repos, semaine prochaine d'ailleurs, en ce qui concerne ce programme. Vous avez retrouvé hier la rediffusion de cette émission réalisée en direct de la salle Le Fil vendredi dernier avec le trio Zone Libre. Je rappelle d'ailleurs que cette émission est en réécoute possible et donc disponible sur notre site comme autres infos et autres podcasts www.radiodio.org. Et je vous retrouverai jeudi pour une émission qui sera enregistrée ce mercredi 26 février. Nous serons installé du côté du quartier Tarentaise-Beaubrun pour une nouvelle émission s'inscrivant dans le cadre de notre projet Radio Citoyenne, Parole de Citoyens, co-réalisé avec notre radio voisine, cousine Radio Andenne sur Firminy, dans le cadre d'un événement prochain d'ailleurs, un avant-goût en effet de cet événement qui sera proposé entre autres par La Laverie avec de multiples partenaires au mois d'avril prochain, Le Droit dans l'œil. Et bien voilà, ce sera en quelque sorte un avant-goût de cet événement et donc des ateliers, expériences qui commencent déjà à être menées et dont nous vous ferons part. Après l'enregistrement de cette émission ce mercredi, ce sera ce jeudi à partir de midi. Voilà pour l'actualité diophonique, des mots, des sons sensibles, qui va s'ouvrir aujourd'hui avec nos découvertes partenariat Ferrarock comme chaque semaine. Notre fédération nationale des radios associatives musiques actuelles ou Radio Rock de France qui vous propose double artiste album soutenu chaque semaine. On va s'arrêter là sur une de ces propositions avec le nouvel album de Biche pour un album intitulé et titré Biche précisément. Comprenez une brève interrogation sur les cycles humains. Alors Biche, c'est un groupe qui existe depuis quelques années maintenant, qui a pas mal expérimenté, fait pas mal de studios, de réflexions autour de leur identité sonore. C'est un quintet composé de Florian Adrien, Brice Lenoble, Alexis Croisé, Thomas Subiranin et Alexis Fuguin, qui, oui, son nom l'indique, est aussi le fils de Michel d'ailleurs. Bref, Biche est de retour avec un deuxième album qui est paru ce 7 février dernier. Toujours en français dans le texte, une voix qui s'affirme et devient centrale, des paroles qui traitent souvent de la récurrence des choses, dirons-nous ainsi. Il n'hésite pas à faire quelques références quant à leur univers musical, ça va de Stereolab à Liminianas, Kraftwerk, Forever Pavot ou Julien Gasque, voilà, qui peut peut-être donner une idée. Et le terrain musical donc qui traverse ces 11 titres qui composent cet album de Biche, tout simplement titré Biche, comme je le disais. C'est sorti via leur propre structure Sava Sound. C'est distribué par Pias. Sava, c'est justement le titre que j'ai extrait, qui me semblait plutôt bienvenu pour ouvrir ce programme. Une question qu'on pose toujours de façon assez banale, mais qui n'est pas aussi évidente et simple. Sava par Biche, des mots, des sons sensibles. C'est parti. Sava. Ça va. Moi, ça va aussi. Ok. Et ça va? Ça va. Pourquoi ça irait pas? Bah, ça va, ça vient. Ça va, là? Ouais. Ça va, c'est le titre extrait de cet album Biche de Biche. Précisément, le quintet. Je le disais en français dans le texte, franglais pour le coup, sur ce titre-là. C'est signé chez leur propre structure Sava Sound, distribué par Pias. C'est le deuxième album de Biche dans un registre, vous l'avez entendu et compris, plutôt pop-rock. Découverte Ferrarock cette semaine, l'album est sorti le 7 février dernier. Une découverte et un partenariat en double proposition, hein, on vous le rappelle chaque semaine. C'est le cas aux côtés de Cathédrale, une autre formation qu'on aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'écouter encore durant ce programme. Cathédrale, nouvel album Poison, qui est sorti le 14 février dernier sur le bon label Howling Banana Records. La Ferrarock, eh bien, c'est plus d'infos en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org, bien entendu, pour retrouver l'actualité de notre fédération et informations concernant ces artistes soutenus chaque semaine. Des réécoutes d'émissions spéciales également possibles, et notamment de ce programme collectif et mutualisé Dig Dig Diggers, que nous réalisons ou co-réalisons chaque semaine. En tout cas, chaque radio s'empare de ce programme pour faire proposition et focus sur ses découvertes albums. Ce sera le cas cette nouvelle semaine avec une interview réalisée auprès de Biche par Lucie de Westtrack, avec également Marcus de Radioactive à Saint-Brieuc qui a réalisé l'interview de Cathédrale autour de cet album Poison. Et puis vous retrouverez même un petit troisième module partenaire sur la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges 2025, qui a été réalisée précisément par Elina Salari de la Ferrarock. Dig Dig Diggers en cette 9e semaine de 2025 sur Dios. Ce sera bien sûr ce vendredi comme habitude, 12h-19h, rediffusion le lundi en matinale dès 8h. rapidement quelques rendez-vous à vous proposer en ce début de programme, en forme d'agenda rapide, soirée ciné-rencontre. Nous sommes des champs de bataille. C'est un documentaire qui sera projeté ce mardi soir, 25 février. Attention si vous nous suivez, chopez la rediff. Ce sera en présence du journaliste et sociologue Mathieu Rigouste, que l'on connaît très bien pour enquêter depuis plus de 25 ans maintenant sur les questions sécuritaires, tout en connexion avec les luttes sociales. Lui-même qui a aussi été fiché par les services de renseignement français et qui, notamment là, a décidé d'aller enquêter au cœur de Millipol, qui est le Salon mondial de la sécurité intérieure des États, et qui fait part des coulisses de ce business sécuritaire mondial. Nous sommes des champs de bataille en présence donc de Mathieu Rigouste. C'est au Méliès Saint-François ce mardi 25 février à partir de 20h30. C'est une soirée en partenariat avec BDS Saint-Étienne, la friche de l'école d'art et design de Saint-Étienne, le comité Antifa de Saint-Étienne, les jeunes communistes de la Loire et Solidaires Loire. C'est entrée à prix libre. Deuxième rendez-vous pour ce jour, il faudra faire votre choix ou alors juste auparavant, si vous êtes disponible dès la fin de l'après-midi. Pour information, Akram Keshi, qui est docteur en sciences politiques et spécialiste de la Syrie, donnera une conférence intitulée « La Syrie après Assad ». C'est une conférence attendue ce mardi 25 février de 17h à 19h au département d'études politiques et territoriales qui est situé 77 rue Michelet à Saint-Étienne. L'entrée y est libre. Le site précisément, c'est l'amphi 002. On se projette un peu plus loin dans le temps avec le groupe local de la CIMAD qui nous a fait part de cette soirée cinéma et rencontre qui là est prévue pour le 7 mars prochain. Ce sera toujours au Méliès Saint-François à partir de 19h30, une soirée organisée en partenariat avec les jeunes de la MJC des Tilleuls à Saint-Étienne. Et donc il y aura buffet-buvette possible avant la projection de deux films, donc... accès possible à partir de 19h30 et à 20h30, projection en effet de ces documentaires Free Flow, qui est proposé par Sam Mirosseini, réalisateur iranien, et Courant Contraire, un documentaire réalisé par des jeunes de la MJC sur le site de Calais. Les réalisatrices et réalisateurs de la MJC ainsi que les bénévoles de la CIMAD animeront la discussion qui suivra. Rendez-vous donc le 7 mars prochain, Méliès Saint-François, à partir de 19h30. Une dernière info dans cet agenda d'ouverture, avec un coup d'envoi d'une exposition en ligne dont on a déjà parlé d'ailleurs, mais voilà, cela est chose désormais faite depuis quelques jours. Ce sont les archives municipales et métropolitaines de Saint-Étienne qui proposent jusqu'en juin prochain une exposition 100% numérique qui retrace les faits marquants de l'histoire du sport pour personnes en situation de handicap à Saint-Étienne. Sport et handicap, récit d'une aventure stéphanoise. On sait que cette année dernière a été très marquée par l'événement sportif que sont notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024. Et donc, les archives municipales et métropolitaines de Saint-Étienne ont choisi de mettre en avant le fonds Maggie Pelletier, qui rassemble les archives de l'Association sportive des handicapés physiques de la Loire et de la Fédération française Omnisport des handicapés physiques. Et donc, vous pouvez retrouver cette exposition accessible uniquement en ligne qui présente des documents d'archives, des photographies, des films historiques, de la cinémathèque et des témoignages d'acteurs locaux du mouvement handisport sur le site dédié expositionsporthandicap.fr. Le tout accroché en minuscule, expositionsporthandicap.fr. Voilà, une exposition qui s'appuie notamment sur le fonds Maggie Pelletier, comme je le disais, personnalité stéphanoise, qui a été impliquée dans l'association sportive des handicapés physiques de la Loire, fondée en 62 par Yves Nem, équipement aussi qui porte son nom ici à Saint-Étienne, pas très loin de chez nous, quartier Montplaisir, la piscine du même nom bien entendu. Une exposition numérique accessible à tous. Il y aura des rendez-vous de médiation autour de l'expo, notamment le vendredi 14 mars prochain à 15h, il y aura une visite guidée 2.0, c'est-à-dire que vous pourrez suivre et découvrir cette expo à domicile en vous connectant en visio. Toutes les infos auprès des archives que vous pouvez contacter via, pour plus d'infos, un mail archives@saint-etienne.fr, archives@saint-etienne.fr, ou un numéro de téléphone éventuellement pour information et inscription au 04 77 34 40 41. 04 77 34 40 41. Puis il y aura d'autres événements attendus d'ici le mois de juin avec table ronde et autres animation sur cette question. Je vous renvoie d'ailleurs sur une émission de radio qui a été réalisée sur le 895 de Dio avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui a accueilli les archives municipales ici en studio pour son émission mensuelle, que vous pouvez retrouver en ligne sur son site dédié, comme d'autres émissions d'ailleurs, gremos.fr, pour davantage d'informations. Allez, on va faire une petite première proposition musicale. Et ce sera le cas d'ailleurs essentiellement pour la suite de ce programme, avec des soirées attendues à partir de ce 26 février, deux soirées spéciales, c'est 26 et 27 février. Ça va se passer au Solar pour le troisième tremplin. Jazz au sommet. On écoute extrait, on en reparle juste après. Some un coup d'oreille, six groupes que vous venez d'écouter dans le cadre de ce tremplin Jazz au Sommet. C'est la troisième édition de ce tremplin qui va se dérouler ces 26 et 27 février au Solar à Saint-Étienne. Six groupes qui concourent sur ces deux soirées. Alors vous avez pu entendre en court extrait les trois formations de ce mercredi 26 février. Avec Grise, Jules Regard, Vincent Forestier, Léo Geller Quartet. Et pour le jeudi 27 février, Mousticaters, Pow Pow et Seb Tête. Voilà, ça ce sont les six formations qui vont se produire donc au Solar. Donc on est ancienne comédie, quartier Tarentaise, La Comète, entre Panassa et Solar. En effet, pour ces soirées tremplin de jazz au sommet, sont les présélections, trois groupes par soirée, du solo au septet, avec deux prix qui seront remis pour les lauréats, le prix Jazz au Sommet, et donc ce sera l'occasion pour une de ces formations de se produire en première partie d'un concert lors de la prochaine édition du festival, et puis le prix du Solar également qui sera attribué pour un concert qui pourrait être programmé donc pendant la saison 2025-2026. Jazz au Sommet, le festival, se déroulera comme chaque édition à la rentrée après l'été, ce sera du 4 au 14 septembre 2025. Et donc pour ce tremplin jazz, favoriser aussi l'émergence du jazz, c'est tout l'objectif et l'intérêt aussi de Jazz au Sommet. Et bien ce sera donc ces 26 et 27 février. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur site et sur place. Il s'agit simplement d'une adhésion au Solar obligatoire. Et ensuite, ce sera en fonction des possibles entre 2 à 10 euros, on va dire, sur place et sur site pour assister à ce tremplin Jazz au Sommet. Voilà pour cet événement. Cela nous permet de faire transition avec d'autres actualités. Un petit peu dans la même veine, tout d'abord en termes d'esthétique, avec un autre festival jazz, c'est le Rhino Jazz, très connu aussi bien sûr dans notre région, qui a lieu au mois d'octobre chaque année, tout le mois d'octobre. Ce sera le cas en octobre 2025 bien entendu. Mais le Rhino Jazz, ce sont aussi des concerts qui sont organisés les jeudis, dans le cadre des Jeudis du Château. C'est le Château du Jarret, qui est simplement le siège du Rhino Jazz, qui est basé à Saint-Chamond. Et nouvelle proposition faite pour ce jeudi 27 février avec Love for Train. C'est un bel événement, puisque c'est une belle formation qui a tout simplement pour but de rendre hommage, comme son nom l'indique, à l'inspirant, majestueux saxophoniste John Coltrane, figure emblématique du jazz. Et leur répertoire pour cette formation-là est basé dans un premier temps sur l'album emblématique Love Supreme de John Coltrane, et puis ensuite sur des compositions de musiciens londoniens de la scène récente qui se réclament de l'influence de John Coltrane. C'est le cas par exemple pour le collectif Maisha, c'est le cas pour Kamasi Washington, et j'en passe dans un registre parfois spirituel jazz. Il y a Aymeric Sache au saxo, Narek Brakanouni au piano, Julien Lani à la contrebasse et Charles Clayette à la batterie. Quatuor donc Love for Train ce jeudi 27 février 19h au château du Jarret à Saint-Chamond. Et puis revenons pour faire transition dans un autre registre, celui de tremplin toujours. Alors je voulais aussi m'arrêter sur l'association Métropolis 42, association qui organise depuis longtemps un repérage sur la région stéphanoise et qui a son tremplin dédié aux jeunes musiciens sur Saint-Étienne, qui a longtemps, et on va en reparler d'ici un instant, été un des acteurs principaux du tremplin Nos Talents sur Scène à Saint-Étienne, qui malheureusement n'est plus de l'aventure aujourd'hui, mais qui a et c'est tout à son honneur, décider de poursuivre ce travail de repérage et de tremplin pour des artistes et notamment pour des toutes premières scènes pour ces jeunes formations locales. Alors on le rappelle, voilà, Métropolis 42 est de retour, a lancé un appel aux artistes, musiciens, musiciennes, groupes et autres pour ces premières scènes possibles avec ce tremplin qui va être relancé en cette année 2025 en trois dates principales, le 15 mai, le 17 avril et le 13 mars prochain. Alors le 13 mars, en effet, ce sera la première scène de ce tremplin Métropolis 42, première date. Ça va se passer aux 7 rues de la ville, avec pour cette première date trois groupes retenus pour ces trois concerts qui sont gratuits, on les rappelle. Il y a Château Pagaille, Les Bracas et Crazy Little Chills. Voilà, le tremplin Métropolis 42, première date, le 13 mars prochain, 7 rue de la ville à Saint-Étienne. cela nous amène à un autre tremplin, justement, j'en parlais juste auparavant, c'est celui Nos Talents sur Scène à Saint-Étienne, qui eh bien, se poursuit et qui, après eh bien, une écoute par le jury de 76 candidatures, a retenu 20 projets sélectionnés pour se produire dans 5 salles partenaires. Hein, on le rappelle, ce sont des concerts live, des présélections, 4 groupes artistes par soirée pour des concerts de 20 minutes chacun, qui vont se dérouler tout au long de ce mois de mars, avant une finale qui sera proposée avec les 5 groupes artistes retenus à l'issue de ces présélections et de ces 20 concerts live sur la scène du Fil le mercredi 14 mai prochain. Alors on le rappelle, Nos Talents sur Scène est un événement co-organisé par la ville de Saint-Étienne avec le concours du service jeunesse vie étudiante, du département musique actuelle du conservatoire Massenet, avec le soutien du département de la Loire, en partenariat avec le Fil, la ville du Chambon-Feugerolles, Guitare Avenue, le festival Parole et Musique, l'université Jean Monnet, les salles partenaires encore du Clapier, du Pax, du Château du Rosier et de Phénomène le Festival, ainsi que Radio Dio qui est membre toujours du jury de ce dispositif local. Alors, plusieurs dates au mois de mars, vous pouvez les noter d'ores et déjà. Il y aura le 27 mars, le jeudi à 20h au Pax, le 25 mars à la salle de spectacle de l'université Jean Monnet, tous les concerts sautent en 20h. Il y aura le Château du Rosier à Feur, le jeudi 20 mars prochain à 20h également, à l'espace Albert Camus le 18 mars, et puis la première date sera le 13 mars, jeudi 13 mars prochain à 20h, et ce sera au Clapier, boulevard Pierre Mendès France à Saint-Étienne, avec, alors je vous annonce simplement, parmi ces 20 sélections, les 4 première présélection de cette première date, August Is Gone du métal alternatif, métal progressif encore avec Chest Sound, de la new wave plutôt rap hip-hop avec Bru, et puis le punk pop-punk de Menace Pâte à Modeler. Voilà, ce sera la formation aussi qui va se produire pour cette première date du 13 mars prochain. Alors Dio, bien sûr, membre du jury, va suivre cet événement et d'ailleurs vous accompagner aussi tout au long de ces présélections live. Alors simplement, eh bien, l'occasion d'écouter cette formation Menace Pâte à Modeler, qui a retenu aussi l'oreille de Dio, il faut le dire. C'est une jeune formation, ils sont 5, c'est un quintet, avec une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années. Menace Pâte à Modeler, quel nom, avait déjà postulé et candidaté l'année dernière, en 2024, et sélectionné pour les 20 présélections live, mais n'a pas été retenu pour la finale. Et bien, ils retentent leur chance cette année, et c'est très bienvenu de leur part. Je vous propose tout simplement de découvrir cette formation, donc très drôle, puisqu'ils ont réalisé, à nouveau, hein, ce sont des jeunes formations, mais une sorte de petite live session qui vient d'être enregistrée au mois de janvier dernier. Et pour les membres du groupe, ils se caractérisent simplement par leur couleur. Et oui, la référence à la pâte à modeler, bien entendu. Donc il y a rose, rouge, violet, jaune, vert. C'est Menace Pâte à Modeler que je vous propose de découvrir avec ce titre Overdose, et qui seront donc en concert pour cette première soirée présélection live, notamment sur scène, le 13 mars prochain au Clapier. Salut, c'est Menace Pâte à Modeler, c'est la lave séchon. All again. my demons front of me. The sign on the devil on his face, I will never know. Voilà, c'est MPAM ou Menace Pâte à Modeler. C'est une de ces formations retenues dans le cadre de ce dispositif Nos Talents sur scène tremplin des musiques actuelles sur Saint-Étienne, avec ses concerts gratuits et ses présélections live, donc qui vont commencer le jeudi 13 mars prochain au Clapier, avec précisément cette formation qui est originaire de Saint-Étienne, on le rappelle. Hein, la règle du jeu est aussi d'avoir très peu de concerts à son actif, quasiment pas de production propre, et donc de se lancer dans cette aventure. Et ce sont donc 5 soirées, pardon, présélection live dans les salles partenaires avant la finale au mois de mai prochain, et de nombreuses dotations qui vont récompenser ces groupes, qu'ils soient finalistes ou non d'ailleurs, hein, avec les nombreux partenaires comme je le disais, dont le coup de cœur Dio, qui consiste en interviews et concerts en direct dans nos studios et une demi-journée d'accompagnement pour mieux appréhender aussi la relation aux radios et à la presse. C'était le cas sur Monica, notre coup de cœur l'an dernier, à voir ce qu'il en sera donc, et à suivre pour ces sélections live, notamment sur scène 2025. De la pop, du punk, mais pas seulement. Rappel aussi, tiens, de ce rendez-vous de cette fin de semaine, ce vendredi 28 février. C'est un événement rencontre en projection de Fanzina, passion et histoire des fanzines en France. Les fanzines, publications artisanales animées contre vents et marées par des fanatiques de culture de niche, voire underground, assurément, et qui constituent une forme bien singulière, pourtant méconnue de la presse et de l'édition. C'est un film qui raconte cette histoire du fanzina en France, en allant à la rencontre de celles et ceux qui l'ont fait et qui la font encore. Science-fiction, BD, mouvements musicaux, punk, rap, graphisme, sport, tatouage et autres enjeux de société. La variété des causes et des thématiques embrassées par les activistes du fanzina paraît sans limite. C'est une leçon de passion pour ces co-réalisateurs et réalisatrices. Un film réalisé par Laure Bessy, Guillaume Gvardeff et Jean-Philippe Puto-Michalski. Ce sera présenté du côté de l'espace autogéré La Gueule Noire à Saint-Étienne, quartier Bellevue, 16 rue du Mont. Adhésion à prix libre, avec ouverture des portes à partir de 19h et les projections à partir de 20h30. C'est ce vendredi 28 février. Une nouvelle proposition musicale Avec cette formation dont on a un peu parlé, je vous ai proposé il y a peu sur cette même antenne une émission réalisée par notre radio cousine, membre de la Ferra Rock précisément du côté de Valence, donc c'est pas très loin d'ici dans notre région. Il s'agit de Radio Béga qui a réalisé ce plateau en direct de la Cordo, la salle basée à Romans-sur-Isère, salle de musique actuelle, et qui célébrait les 30 ans du label lyonnais Jarring FX. Une belle émission qu'on vous a proposée sur notre antenne. Et simplement, eh bien dans le cadre des 30 ans de ce label lyonnais, toujours très actif et activiste, eh bien une nouveauté musicale sortie il y a peu et qui fait l'actualité d'ailleurs, ce sont des ex-iTone, mais avec leurs projets respectifs, que ce soit Fabastone ou Acouphène, dont on vous a aussi déjà parlé sur cette antenne. Ce sont les deux frangins, Julien et Fabrice, qui mènent ce projet tout simplement nommé Twinkle, avec un album qui est sorti il y a peu par le duo, l'album Kairos, que je vais vous proposer en écoute, et qui ont invité d'ailleurs des chanteurs, chanteuses militantes et engagées, que ce soit l'artiste sud-africaine Dobson Jude, Marcus Haye ou encore Abdelila, que je vous propose de retrouver justement sur ce titre oriental dub que j'ai retenu au sein de cet album Kairos de Twinkle. Le titre, c'est tout simplement, alors je vais essayer de le prononcer correctement, mais Tashawakat Rui. Voilà, je vous propose d'écouter ce titre-là avec donc les frères Oresta, membres fondateurs de ce groupe iTone, aujourd'hui au sein de Twinkle, nouveau side project, toujours dans une veine très électro-dub. Yeah. Et voilà l'occasion de souffler les bougies des 30 ans du label lyonnais Jarring FX en cette année 2025. Basé à Lyon depuis 1995, le label reste très actif et preuve en est la signature. L'occasion aussi de ce petit retour sur cette sortie qui date de l'automne dernier. Hein. C'est l'album Twinkle de cette formation aussi qui a marqué l'aventure Jarring FX iTone de Frangin, cofondateur de la formation. Et en effet, au sein de ce Twinkle aujourd'hui, et cet album Kairos donc, qui est disponible. Tout cela aussi, allez, pour vous annoncer ou préannoncer, voyez-le comme vous le voulez. Mais en tout cas, en ce mardi 25 février, si vous chopez la rediff, vous aurez déjà l'information. Mais aujourd'hui même, à partir de 17h, vous aurez les nouveaux noms qui vont compléter la programmation du Forestival qui va se dérouler début août prochain. Bien sûr, les premiers 2 et 3 août. Donc voilà, formation qui vont être révélées sous peu. Alors je ne sais plus combien de noms, mais c'est à peu près... à peu près 12 noms qui vont rejoindre cette programmation et être annoncés ce 25 février et qui vont donc rejoindre ces artistes déjà annoncés, hein, Dubbing, Kiakola, Sofia Pamar, MC Solar, Ultra Vomit, Compromat, Sayensupa, Crew Celebration, Adel Castillon, Maraboutage, bref, voilà, vous aurez la programmation Forestival qui avance à petits pas et de nouveaux noms révélés en ce 25 février. On aura l'occasion d'en reparler aussi, toujours de suivre cet événement partenaire duo, bien entendu. Allez, on continue avec justement une autre actualité et puis finalement d'autres ouvertures musicales, je dirais. C'est un nouvel album intitulé « Ce que nous sommes » de la formation Yaros, qui prend un petit peu la route là en ce début d'année et en ce mois de février-mars et qui va enchaîner d'ailleurs une série de plusieurs concerts de release party à travers la France qui viendra se clôturer en beauté à Saint-Étienne. Et oui, c'est un peu aussi une formation maison soutenue par le label stéphanois Le Cri du Charbon, dont on a très largement parlé d'ailleurs semaine dernière avec un partenariat Ferrarock et un coup de cœur duo autour de la formation 111. Yaros sera en affiche partagée avec l'artiste local dont on a très largement parlé aussi sur cette antenne, c'est Tashka, qui aura l'honneur d'ouvrir la soirée avec un set en solo. Cette date à Saint-Étienne, ce sera sur la salle Le Pax le dimanche 16 mars à partir de 17h pour une modique somme de 10 €. On rappelle que le Pax propose de nombreuses scènes le dimanche après-midi, en général gratuit. C'est par exemple le cas en ce début de mois de mars prochain, là, ce sera dans quelques jours, avec le festival Seul en scène qui va débuter le 7 mars, le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mars. C'est à 20h30, c'est gratuit, c'est au Pax. Il y aura Béarm et Bloodberry, il y aura Cléo Azo et Lalea, il y aura Darius pour ces concerts du Pax et ce festival Seul en scène. N'hésitez pas à aller consulter le pax.fr, le site dédié de la salle et de sa programmation. Alors simplement l'occasion de revenir sur Yaros et cet album qui se dévoile toujours un peu plus et un titre qui a été annoncé il y a peu, Là où tout brûle, qui invite un autre artiste. C'est un featuring en présence de Carlo De Sacco du groupe Graine Sémée, et donc qui apporte ici sa touche en créole réunionnais, avec comme fil rouge au sein de ce titre les racines, les origines, thématique centrale aussi de cet album Ce que nous sommes de Yaros. Alors je vous propose de le découvrir, ce titre-là, Là où tout brûle, mais qui évoque aussi, entre autres, notre rapport aux écrans, notre dépendance au numérique et parfois notre incapacité à dénouer le vrai du faux dans un flux d'informations continu. Cela nous parle, bien entendu. On écoute Yaros, album disponible sous peu en release party au Pax 16 mars prochain avec Carlo De Sacco de Graine Sémée ici, donc sur ce titre Là où tout brûle, que je vous propose de découvrir. J'ai posé mes yeux là où tout brûle, dans le silence de l'écran télé. Petit oiseau blessé, petit oiseau, j'ai posé mes yeux là où tout brûle. Regard perdu, immensité, information qu'on saute télé. Écran total devant tes yeux, j'ai posé mes yeux là où tout brûle. Vérité, vérifié, écran fatal devant tes bleus. Perdu le sens, perdu l'absence, perdu le sens, perdu. Rage, révolte, le fake, silence de mort. J'ai perdu le sens quand tout s'enflamme, j'ai perdu le sens au fond de l'âme. D'été. Petit oiseau blessé, petit oiseau, j'ai posé mes yeux là où tout brûle. Où tout brûle, avec la participation de Carlo De Sacco de la formation réunionnaise Graines Aimées, au sein de cet album de Yaros, nouvel album de Yaros, qui va donc être défendu sur scène. Ce que nous sommes est le titre de cet album, Là où tu brûles, le titre que l'on vient d'écouter à l'instant. Le groupe qui a eu pas mal de dates en 2024 déjà, on les a vus récemment programmés dans le cadre des festivals des Orients Pointe par exemple, c'était au mois de novembre dernier, et qui là donc va assurer une série de concerts au mois de mars notamment, sous forme de release party pour fêter la sortie de cet album, notamment à Paris au ZEP de Belleville, mais aussi donc au PAX le 16 mars prochain. Comme je vous le disais, à partir de 17h, affiche partagée avec l'artiste Tashka. Yaros, album signé via le label stéphanois Le Cri du Charbon. On poursuit avec notre date partenaire, et ce sera d'ailleurs l'occasion d'aborder la dernière ligne droite de cette émission. C'est la salle Le Fil à Saint-Étienne, avec quelques dates partenaires du mois de mars, et précisément donc des cadeaux sur le 895 de Dio, sous principe de jeu concours, sur simple règle, celle d'être curieux et de nous contacter pour simplement bénéficier d'invitations pour ces places. Alors, trois dates partenaires au mois de mars. Il y aura le warm-up du Hellfest Tour, Ce sera le 21 mars, mais là, il faudra écouter l'émission Overdrive du vendredi soir à 21h30 avec Martin aux commandes qui va largement vous parler de cet événement du 21 mars prochain. Et puis d'autres dates partenaires, c'est le cas les 7 et 8 mars qui seront les deux prochaines dates partenaires du 895 de Dio. Alors cela m'amène à vous annoncer quelques rendez-vous diophoniques justement et plus. Le 8 mars sera la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et pas mal d'événements attendus à Saint-Étienne. Il y aura une soirée spéciale au Clapier le 8 mars, le 7 mars une soirée spéciale à la Gueule Noire avec Radical Kitten notamment en programmation. Il y aura donc cette soirée au fil dont je vais vous reparler d'ici un instant, et surtout un mars au féminin au Remue-Méninges avec notamment le programme du CREFAD qui intervient chaque année hein, avec le collectif du 8 mars qui fait bon nombre de propositions. Vous pourrez les retrouver facilement via les réseaux notamment ou l'internet. Une manif intersyndicale qui est prévue toujours dans le cadre de ce 8 mars et le 8 mars avec un départ à Rouen en après-midi à 15h du tribunal pour prendre la direction de la Bourse du Travail. À Saint-Étienne, ce sera un départ à 11h de la Bourse du Travail pour prendre la direction de la place Jean Jaurès. Il y a le printemps des poétesses et notamment un mars au féminin. Je parlais du Remue-Méninges, c'est vraiment un mars au féminin qui est prévu, mobilisé du côté du Remue pour les droits des femmes avec différents événements prévus, notamment le 24 mars avec un événement organisé par le groupe de lecture féministe du Remue-Méninges. Et puis, une émission radio, voilà, ça c'est l'occasion de vous l'annoncer. Il n'y aura pas cette semaine de Plus fort j'entends rien, le programme hebdo du mercredi, mais semaine prochaine, voilà, c'est alternance hein, de présence-absence. Ce sera le cas pour des mots des sons sensibles absents semaine prochaine, mais retour de Plus fort j'entends rien. Et mercredi 5 mars, vous aurez une émission spéciale autour de ces événements du 8 mars avec de nombreuses invités en studio ici pour évoquer tout cela. Alors, justement, au-delà de cette annonce diophonique, un événement, des événements concerts, le 8 mars précisément, donc Salle Le Fil, c'est une soirée en présence de deux artistes. Alors déjà, vous annoncez que pour des raisons de santé, et c'est une nouvelle déception, puisqu'elle avait déjà été annulée, cette date avec Isa Yazuke, qui ne pourra à nouveau assurer son concert prochain pour des raisons de santé, et elle sera remplacée par l'artiste La Valentina, une artiste colombienne, qui vit à Paris et qui partagera l'affiche avec Maya Kamati pour donc la date du 8 mars à 20h30, Salle Le Fil. Et puis la veille, le 7 mars, une formation qu'on apprécie particulièrement sur cette antenne, il faut le préciser, on les soutient depuis longtemps, un groupe plutôt dans la veine punk rock originaire de Rouen, qui existe depuis 2017, composé de Chloé au chant, Chloé Barabé, chant basse, Joseph Levasseur à la guitare et Mathilde Rivet à la batterie. Un trio qui a évolué aussi en termes de line-up et donc de formation, je dirais, mais l'essentiel est là aujourd'hui. Ils ont été révélation aux Inouïs du Printemps de Bourges et ils ont sorti leur troisième album l'année dernière, Chamber Songs, qui est sorti en septembre 2024. Un groupe qu'on apprécie, qui dénote toujours par ses sujets politiques, militantistes et intimes, qui aborde différents thèmes comme la neuroatypie, l'amour, les violences policières, le patriarcat ou encore les agressions sexuelles. Et We Hate You, Please Die sera en concert Salle Le Fil le 7 mars à partir de 20h30. À partager l'affiche avec Wobby, une formation en, on va dire, une veine plutôt rock alterno, mais qui aussi entre trip-hop, rap et rock. Mais We Hate You, Please Die, de retour avec ce nouvel album et grand plaisir de les retrouver. Alors pour ces dates des 7 et 8 mars, Salle Le Fil, nous avons des places à vous proposer. Ça peut se passer tout de suite maintenant en direct au bout du fil de Dio, le 04 77 25 05 94. Ou si vous chopez les rediffs de ce programme, nous contactez via un petit mail à redac@radiodio.org. Allez, on termine avec cette date du 7 mars, Salle Le Fil et We Hate You Please Die attendu, extrait avec ce titre Adrénaline en guise de générique de fin de ce programme. Tout bon chez vous, portez-vous très bien et puis bon, on se retrouvera de toute façon à un moment ou à un autre sur cette antenne. Ciao, bye.